Ça va les amigos? Ouais. Très bien. Moi j'ai souvent froid aux extrémités. Hein. Notamment les mains et les pieds. Oui, oui, mais pas que. Moi mon sgeg je le mets dans une moufle. J'avais vu ça dans un défilé Balenciaga. Ah ouais, si je protège pas mon bout, j'attrape la mort. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Qui chantait ça? Adamo, bien joué, un point pour moi. Comme quoi je suis fort au blind test quand on me laisse jouer dans des conditions correctes. Hein. Alors forcément, les Morgan et les Leila, ça marque des points quand j'ai 17 secondes de latence à Bruxelles. Mais quand il s'agit de trouver Adamo à armes égales, hein, y a plus personne. Hein. Bref, pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il fait 3 degrés dehors et chaque année je me dis Ernesto, fils d'une matraque et d'un CRS raciste, c'est le dernier hiver que tu passes ici, c'est fini, c'est terminé. Mais chaque année, je finis par rester. Et c'est pas par amour de la bande originale, hein, croyez-moi. Mes chroniques, je pourrais les faire à Bora Bora, ça changerait rien. Dans cette équipe, il n'y a que Nagui qui est obligé de rester à Paris pour assurer ses obligations professionnelles. À savoir, présenter la bande originale, n'oubliez pas les paroles, tout le monde veut prendre sa place, merci. Faites entrer l'accusé, merci. Téléfoot, merci. Top merci. Chef, merci. Chasse et pêche, merci. Le Big Deal, stop. Le loto, stop. La stop. Marche du siècle, stop. Le journal du Havre. Le Big Deal. Hey, Nagui, tu l'enlèves de la télé, il reste la messe, hein. Vraiment. Mais les autres membres de l'équipe, on pourrait télétravailler ailleurs. C'est vrai, c'est pour ça que moi je nous encourage tous à jouer à l'Euro Million ce mardi soir, les amigos. Il y a une cagnotte exceptionnelle de 200 millions à gagner. Ah ouais. Et si je gagne, vous me revoyez plus jamais. À 11h30, on va entendre. Et c'est l'heure de la drôle d'humeur de Guillermo Guise. Guillermo ? Guillermo ? Je serai là, ouais, 2 secondes, on peut pas terminer sa pina colada ou bien ? C'est quoi ici ? Ça va les amigos ? Je vous ai raconté la fois où j'ai couché avec un requin ? Ah ben on croit qu'ils font pas de bruit, on se trompe. 200 millions d'euros ! Vous savez que si un Français gagne ce soir, ce sera le plus gros gain de l'histoire de la Française des Jeux. Le précédent record, c'était Daniel qui avait gagné 100 000 au Morpion. La Française des Jeux voulait le payer en argent, Daniel a préféré de payer direct en morpion. Ouais, bah sur certains marchés asiatiques, c'est 1,15€, 1,20€ la pièce. Hein. C'est pas un si mauvais calcul que ça. Il a bien fait de les conserver, ces petites merveilles, comme il les appelle. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une cagnotte de dingue qui est remise en jeu. Personne n'a trouvé le bon numéro vendredi soir. Alors que soit dit en passant, il fallait juste jouer le 14, le 20, le 27, le 34 et le 38. C'était pas non plus infaisable. Hein. Franchement, allez, tu m'aurais dit qu'il fallait jouer le 1,562,743. Là, je regrette que cette vanne n'ait pas mieux marché. Un jour, vous verrez que le bilan... non, c'est vrai, un jour, vous ferez le bilan de votre vie professionnelle et vous vous direz, certes, j'ai accompli des choses, mais j'aurais duré plus fort à la vanne d'Ernesto sur les chiffres à l'euro million. Ah ben, quand ça parle du slip de Daniel, ça s'esclaffe à l'envie. Hein. Ah ben, ça va pas me manquer, ça, quand je serai à Bora Bora. 200 millions d'euros, putain, elle est dingue, cette somme, non? Ça va forcément être trop pour une seule personne, c'est absurde. 200 millions, c'est jamais le petit coup de pouce financier qui te manquait justement pour un projet. Hein, y a jamais personne qui a dit « j'ai toujours eu envie de lancer mon affaire, mais il me manquait 200 millions d'euros. Ah bah, je vais enfin pouvoir l'ouvrir, ma fromagerie. » Non, hein. 200 millions d'euros, ça t'arrive, t'es perdu, tu sais pas quoi faire avec. Et c'est là que j'ai une idée. Quoi? Acheter Mbappé et lui dire « excuse-toi pour Saint-Pétersbourg ». Non, non, une autre. Moi, je suis pour que l'État joue. Il en peut plus. Moi, je suis pour que l'État joue ce soir, gagne la somme et la répartisse. Il y a 300 000 SDF en France, 200 millions d'euros divisé par 300 000, ça fait... À qui je demande aussi. Putain, il y en a un qui a fini l'école dans cette bande, il sera là qu'à midi 10 pour mal choper l'info. Ça fait 666, le chiffre du diable. Ouais. Du coup, je propose un autre calcul. 200 millions d'euros divisé par 300 000, fois 3 degrés dehors, plus le nombre d'émissions de Nagui, fois les points comme un volo blind test, multiplié par le nombre d'insectes qu'il y a sur le corps de Daniel. Et on distribue cette somme aux SDF, qu'ils aient de quoi se reloger et repartir dans la vie. Vous voyez? Ah voilà, cette réflexion toute nulle, j'aurais pu l'avoir à Bora Bora. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillaume.